De retour à Futur Simple, bonjour Geneviève Gay. Bonjour François. Alors cette semaine, tu nous proposes une incursion insolite dans le monde vivant. Mm-hmm. Et comme entrée en matière, on va se remémorer le film d'horreur The Blob. Dans ce film, il y avait une masse informe venue de l'espace et qui avalait tout sur son passage. Eh bien, ce sont les myxomycètes, ou slimes en anglais, qui ont inspiré les auteurs de ce film. Or, il a été démontré que les myxomycètes ont ceci de particulier qu'ils n'ont pas de cerveau, mais ont une mémoire. Eh oui, mais avant de parler de la mémoire des myxomycètes, laissez-moi vous expliquer ce qu'elles sont. En fait, le mot myxomycète provient de myxo, qui signifie gluant, et de mycète, qui signifie champignon. Mm-hmm. Un synonyme qu'on utilise parfois quand on parle des myxomycètes est amibe collective. Le terme myxo fait référence à la formation du plasmode, qui constitue l'un des stades de développement des myxomycètes et qui se caractérise par une masse gélatineuse. Bon, en fait, cette masse est une seule cellule non segmentée dans laquelle baignent plusieurs noyaux. Le plasmode, ayant une paroi souple, il peut être animé par des mouvements convulsifs, ce qui lui permet de se déplacer. Mais ça ne doit pas se déplacer très vite. Non, ben on parle en fait de quelques centimètres par heure. Donc, il y a des biologistes de l'Université de Sydney en Australie qui ont expérimenté sur le plasmode Physarum polycéphalum. Ils ont noté qu'il ne repassait pas deux fois par la même place lorsqu'il se déplaçait. Donc, ils ont alors suspecté que le plasmode utilisait une sorte de mémoire spatiale externe pour s'orienter. Donc, ils ont émis l'hypothèse que le plasmode utilise le dépôt visqueux qu'il laisse derrière lui partout où il va afin de reconnaître les endroits où il est déjà passé. Donc, pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont placé Physarum dans une trappe en forme de U. Et sur ce qu'ils ont remarqué finalement, c'est que sur une surface lide, c'est 96% des spécimens qui ont été capables de s'orienter dans le piège afin d'atteindre une solution sucrée, et ce, à l'intérieur des 120 heures qui leur avaient été allouées. Mais quand on les place sur une surface qui est préalablement recouverte de dépôts gluants, qui n'est pas la leur, là, 30% seulement des spécimens ont réussi à atteindre leur objectif, prenant même jusqu'à 10 fois plus de temps pour le faire et repassant souvent là où ils étaient déjà allés. Donc, les plasmodes ont remarqué qu'ils peuvent s'orienter dans des labyrinthes et anticiper aussi certains événements périodiques. Donc, les chercheurs croient que cette mémoire spatiale externe aurait été utilisée par les organismes primitifs afin de résoudre les mêmes types de problèmes que se posent aujourd'hui nos cerveaux. Donc, ce serait en fait le début de l'évolution de la mémoire. Une autre démonstration que l'on a, en fait, que l'on a beaucoup à apprendre des êtres vivants plus sains, les plus simples, oui. En fait, et que l'évolution est constante chez toutes les formes de vie. Et voilà. Tout simplement. Passons maintenant de l'univers des unicellulaires à l'univers coloré des feuilles d'automne. L'année dernière, tu nous avais expliqué comment les feuilles se colorent. Et cette année, nous avons eu droit à une année exceptionnelle. Oui. Alors, tu veux bien nous rappeler pourquoi nous avons eu le privilège d'assister à ce spectacle? Bien, certainement. Je peux résumer ça en un mot, la sécheresse. Oh, donc, ah oui? Les feuilles, on sait que les feuilles commencent à changer de couleur lorsque les jours raccourcissent. Bon. En fait, on raccourcit, c'est raccourcir toujours du 21... Plus de nuit, 21... On parle de l'équinoxe, c'est-à-dire au moment où la nuit est plus longue que le jour. Voilà, c'est ça. Lorsqu'il y a plus de nuit que de jour. Okay. Donc, elles vont changer de couleur lorsque les jours raccourcissent. Bon, elles vont cesser de produire de la chlorophylle, puis vont se colorer grâce aux pigments qu'elles contiennent. OK, qu'elles contiennent déjà. Déjà, là. C'est ça. Puis qui sont masquées par la chlorophylle. C'est ça. Chaque feuille a un type de pigment qui lui est propre. Chaque espèce a son pigment. Donc, en cas de sécheresse, comme ce fut le cas cette année, les concentrations de ces pigments augmentent. Et bon, petit rappel, l'anthocyanine est le pigment qui colore les feuilles en rouge et en pourpre, mm-hmm. et les caroténoïdes les colorent en jaune, en orange et en brun. Mm-hmm. Et si on rajoute des conditions comme la température plus fraîche la nuit, chaude le jour, quand il ne peut toujours presque pas, et quand le vent ne remue pas trop les feuilles, alors on a les conditions idéales, favorables pour que le spectacle soit éblouissant, comme ce fut le cas cette année. Alors, je te remercie beaucoup de ce rappel. Mmh. Tu vas maintenant nous parler de funérailles tenues par certaines espèces d'oiseaux. Oui, mais ici, le mot funérailles doit être interprété comme une reconnaissance de la mort d'un congénère. Là. Okay. Par exemple, c'est ça. C'est plus ça. On parle pas d'une célébration funeste que les oiseaux se suivent à la queue leu-leu. Non, c'est pas ça. Ils vont chanter. Oui, bien, en fait, oui, c'est justement, il y a une manifestation, il y a une reconnaissance de la mort d'un individu. Bon, par exemple, on prend le buissonnier qui vit dans l'ouest américain et les geais bleus ici, le font aussi dans une certaine mesure. Donc, un jet buissonné va s'arrêter lorsqu'il remarque un jet mort. Donc, il va appeler ses congénères, il va arrêter tout ce qu'il fait, là. Il va appeler ses congénères, perchés sur une branche, puis tous ses congénères vont aussi arrêter de faire ce qu'ils font. Ils vont s'attrouper autour de l'oiseau mort. Donc, des chercheurs de l'Université Davis en Californie croient qu'il s'agirait d'un comportement ayant évolué à partir d'un autre, et ce comportement-là servait à avertir les autres d'un danger proche. Donc, c'est quand même assez lié. Leurs expériences consistaient à placer dans les cours arrière de résidences privées l'un ou l'autre des objets suivants, soit des pièces de bois colorées en bleu, des hiboux empaillés, des jets empaillés et des jets morts. Ça, ça pouvait se présenter sous forme de cadavres ou simplement de plumes dispersées. Puis ensuite, ils observaient la réaction des jets. Et qu'est-ce qu'ils ont observé, en fait? Ben, des jets se sont montrés indifférents aux morceaux de bois bleu, même si ceux-ci avaient été disposés afin de ressembler à un oiseau. Mais devant le cadavre ou les plumes éparses d'un jet, ils ont émis des cris d'alarme audibles sur de longues distances. Donc, les jets se sont attroupés en grand nombre autour de ces plumes-là, et leurs cris devenant là, jusqu'à faire une grosse cacophonie. Là. Okay. Vraiment très, très bruyant. Ils ont suspendu leurs activités de nourrissage là, pendant plus d'une journée, demeurant attroupé et criant sans relâche. Donc, en présence du hibou empaillé, qui est censé représenter le prédateur, les jets se sont aussi rassemblés, ont poussé des cris d'alarme aussi, sauf que cette fois-là, ils plongeaient sur le hibou afin de l'effrayer. Uh-huh. Donc, en présence du jet empaillé, bon, il n'y a pas vraiment d'attroupement à ce moment-là. Le jet qui le voit va le considérer plus comme une menace, ou il va plonger sur cet oiseau-là comme le font les autres jets. Bon, en présence d'un compétiteur, tout simplement, ou d'un oiseau malade. Il savait que c'était pas... Il sentait pas la mort, comme on dit, là. Donc, il s'avère que le fait d'alerter ses congénères sur la présence d'un oiseau mort contribue à la sauvegarde des autres oiseaux, puisque ceux-ci sont alors conscients qu'un danger guette. Donc, sans même avoir assisté à ce que tuait leur semblable, les jets sont en quelque sorte conscients que la mort rôde et jugent que la présence d'un jet mort est une information qui mérite d'être partagée avec les autres oiseaux, au même titre qu'ils le font quand il est question d'un prédateur. Mais c'est déjà impressionnant qu'ils puissent être conscients de oui, ça. Oui, la conscience de la mort. De la mort, oui, c'est voilà. Ça. Mais est-ce qu'il existe d'autres oiseaux qui remarquent la mort de leur congénère et qui la soulignent? Oui, quand je parlais le jet bleu, ayant personnellement déjà assisté à ce genre de manifestation-là, il y a aussi les pies qui peuvent adopter un comportement pour le moins élogieux envers une autre pie morte. Donc, ils vont s'attrouper aussi, puis ils vont aller jusqu'à amener des aiguilles de pin, de brindilles, afin d'entourer le corps de la pie. Les pies peuvent rester auprès du corps un moment en secouant la tête. Donc, il y a vraiment ça, il y a une manifestation, là, une reconnaissance plus... On n'ose pas le dire, mais on dirait quasiment qu'il y a une émotion. Ça reste encore à prouver. Ouais. Donc, les corneilles, les corbeaux aussi démontrent aussi par leurs cris qu'ils sont conscients de la mort d'un congénère. Certains aussi peuvent, comme les pies, se poser auprès du cadavre et le couvrir de brindilles. Donc, très commun, tous ces oiseaux appartiennent à la famille des corvidés, qui sont des oiseaux ayant une longue espérance de vie. Alors, doit-on y voir une démonstration d'un certain apprentissage de la vie et de la mort? Mmh. Ah, ça reste à démontrer. Et voilà, c'est ça, c'est pas fait. Ce sera pas facile de faire ça. Et en effet. Tu vas maintenant nous parler d'un autre comportement animalier particulier, celui des abeilles zombies qu'on aurait observé chez les abeilles mellifères. Oui, les abeilles mellifères n'ont pas eu la vie facile ces dernières années. Non, effectivement. On assiste à un déclin marqué des populations d'abeilles. Et l'une des causes de ce déclin serait la larve de Phoridae, qui sont en fait des petites mouches de quelques millimètres et qu'on leur remarque parfois grâce à leur comportement particulier, qui est de se sauver en courant plutôt qu'en s'envolant. Moi, j'ai déjà remarqué ça, une mouche qu'on pense qu'elle est blessée ou qu'elle a quelque chose, on veut la pousser pour qu'elle s'envole, mais elle sauve en courant à la place. Plutôt que s'envoler. C'est ça, c'est des Phoridae. Donc, ces mouches vont pondre leurs œufs dans des corps mous, soient morts ou vivants. Elles peuvent donc être parasites. Mm-hmm, c'est ça, quand elles pondent dans un corps vivant. C'est ça. Oui. Est-ce qu'elles font, sont avec les abeilles? Oui, elles font ça avec les abeilles. Fait à noter, elles sont parasites aussi des fourmis de feu qui causent bien des problèmes aux États-Unis et ailleurs. Elles font partie d'ailleurs du plan de lutte biologique contre cette espèce envahissante, mais elles ne se limitent pas aux fourmis de feu, d'où le problème actuel. Elles peuvent donc s'en prendre à d'autres fourmis non nuisibles et même aux abeilles. C'est troublant, ça, car la solution peut devenir problème. Absolument. Et que se passe-t-il lorsqu'une mouche pond ses œufs dans une abeille? Ben, en fait, une abeille infectée par une ou des larves d'une Phoridae, elles peuvent en avoir jusqu'à 12. Et ça, justement, les Phoridae l'ont compris. Dans une fourmi, elles pondent un œuf. dans une abeille, elles en pondent 12. Donc, elles se mettent à aimer les abeilles beaucoup, là. Mm-hmm. Donc, une abeille infectée va quitter la ruche durant la nuit et va se tenir au sol, tout près d'une lumière extérieure, en faisant des cercles de plus en plus erratiques jusqu'à temps qu'elle meure. Puis ce comportement-là a intrigué des entomologistes de l'Université de San Francisco qui se sont demandé si le parasite contrôle l'abeille au point de la contraindre à abandonner la ruche ou, au contraire, si l'abeille quitte la ruche d'elle-même en commettant un genre de suicide altruiste qui vise à protéger ses camarades. Donc, pour vérifier ces hypothèses, les chercheurs ont collé des mini-étiquettes d'identification par radiofréquence qui sont pas plus grosses qu'une petite paillette, là, de petits brillants, là, sur 500 abeilles infectées. Donc, en sortant, puis en entrant dans la ruche, les abeilles sont scannées. Donc, les chercheurs peuvent savoir quand une abeille quitte la ruche et savoir quand elles reviennent, si elles reviennent. Donc, ils ont observé que les abeilles infectées quittent la nuit, ce qui est anormal car les abeilles ne volent normalement pas la nuit. Mm-hmm. Et lorsqu'elles quittent la nuit, elles ne reviennent pas. Donc, les parasites, selon eux, contrôleraient donc bel et bien le cerveau de leurs victimes. Assez macabre. Ça expliquerait pourquoi aussi les colonies d'abeilles s'effondrent, étant donné la disparition inexpliquée de millions d'abeilles qui complètement désertent leurs ruches et ne reviennent pas. Effectivement, est-ce qu'il y a certains humains qui pourraient avoir le cerveau... On espère que non. On espère que ça ne se transposera pas aux humains, tout ça. Oui. Alors, somme toute, c'est macabre, tout ça. Mais ça devrait, en fait, nous permettre de mieux comprendre de quoi souffrent les abeilles et certains types de parasites. En fait, ce type de parasite est observé de plus en plus. Oui, oui. Puis les parasites ne sont pas toujours des insectes. La petite mouche. Mais il y a aussi des champignons qui vont parasiter certains insectes, comme par exemple des fourmis ou des limaces, les contraignant à se rendre aux endroits propices au développement du champignon. C'est à ce moment-là, l'insecte infecté va demeurer sur place, va se rendre là où le champignon lui dit d'aller, et l'insecte infecté va demeurer sur place et mourir là. Et à ce moment-là, le champignon va se développer à partir de l'insecte. Alors, c'est fascinant, mais quelque peu dérangeant quand on s'y attarde. Alors, comme on manque de temps, on va passer tout de suite en pause musicale et on vous revient tout de suite après et on va vous parler de rhinocéros.